suis très content. Oui. Tout est en ordre. Moyenne. Leçon 29. Lektion 29. Aujourd'hui, nous allons voir l'usage des adverbes et les clauses adverbiales en luxembourgeois. Dans la majorité des cas, les adjectifs et les adverbes sont les mêmes. Dat Lied ist schön. Cette chanson est jolie. Hier singt schön. Il chante bien. De Kur ist gut. Le gâteau est bon. Hier kocht gut. Il cuisine bien. Prüfung ist schwer. Le devoir est difficile. Hier schafft schwer. Il travaille durement. Il existe par contre, dans quelques cas, une différence entre un adjectif et un adverbe. D'habitude, ces mots sont pris directement de l'allemand, comme par exemple normal, normal, normalerweise, normalement. Interessant, intéressant, interessanterweise, d'une manière intéressante. Si un adverbe ou une clause adverbiale est placée au début de la phrase, nous invertissons le sujet et le verbe. Ich ging in de Kino. Moi de novent ging ich in de Kino. Mir wären gleich jo ob der Belcher Côte an der Vakanz an un eis gut amüsiert. L'année passée, nous étions à la Côte Belge pour nos vacances et nous nous sommes bien amusés. Wie mit gleich jo ob der Belcher Côte an der Vakanz wären, wo mir eis gut amüsiert. Lorsque nous étions à la côte belge l'année dernière pour passer nos vacances, nous nous sommes bien amusés. Si dans une phrase nous avons un adverbe de temps et un adverbe de lieu, l'adverbe de temps vient normalement d'abord, comme nous l'avons vu avec nos deux exemples. Mardenovend ging ich in de Kino. Mir waren letztes Jahr auf der Belcher Côte an der Vakanz. Peut-être vous vous rappelez de la dernière leçon que le datif précède normalement l'accusatif. Pour la structure de phrase en luxembourgeois, ces deux règles ont comme conséquence Mir gima anstatt dir Mantel kaufen. Demain, nous irons en ville pour t'acheter un manteau. Wenn mir last jour ob der Belcher Côte an der Vakanz wären, holst du dir eine neue Schwammbox, Maillot, kauft. Bien sûr, nous n'avons pas toujours des phrases avec tant d'informations. Mais la règle sur les adverbes est assez utile si, par exemple, nous parlons d'événements. Si maintenant nous voulons dire que quelque chose se passe, nous utilisons normalement le verbe spielen, jouer, ou laufen, courir. Avec spielen, nous utilisons la troisième personne impersonnelle au pluriel sie. Sie spielen. Sie spielen den Hamlet vom Shakespeare. Nous pouvons aussi utiliser la forme passif, gespielt, et jouer, ou gespielt sans jouer. Dest Jahr ging am Theater drei Stecker vom Shakespeare gespielt. Pour les films, nous préférons le verbe laufen. Am Utopolis lebt Fulmanti. Am Utopia lebt Titanic. Dans la pratique, nous arrivons à Un Samstag, de 4. April, halver 9 Uhr, geht am neuen Theater ein Steck vom Dario Fo gespielt. Ce que les Luxembourgeois appellent le Neuen Theater ou Staatstheater est le théâtre au rond-point Schumann à Luxembourgville. Un Sonntag, le 5 April, 3 Uhr nachmittags, geht am Kapuzinertheater ein Stück für die Kanner gespielt. Maden Oven, 7 Uhr, lebt am Utopia Chasing Amy. Am Mittwoch, 12 Uhr mittags, lebt an der Cinémathèque ein Film von 1956. 6 Uhr läuft auch an der Cinémathèque der neue Lützebuer Film. Pour les concerts, on peut aussi dire spielen ou tout court as. Un donnerschichte Novent as am neuen Theater ein großer Konzert vom London Symphony Orchestra. Ein freien Novent spielt Militärmusik ein Konzert ob der Plus.